Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Pierre Franck qui vient nous parler de son roman « Mon père, le chat et moi » publié chez 500 éditions. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mona. Alors pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de vous ? Moi j'ai peu de choses à dire sur moi. J'ai 57 ans. Ma vie professionnelle, j'ai travaillé comme médecin pendant un certain temps, médecin de soins. Et puis aujourd'hui, j'ai un travail plus dans le domaine de la santé publique. Je travaille pour l'Agence régionale de santé. Mais ça fait très très longtemps que j'ai envie d'écrire, alors sans savoir trop quoi, des poèmes, des nouvelles, et puis les choses de l'actualité m'ont conduit à essayer de me poser la question de l'identité. Et cette question de l'identité, j'ai voulu essayer de la traiter, non pas à travers quelque chose de très strict, de très cadré, mais à travers une histoire qui pourrait un petit peu amuser le lecteur, et puis lui apporter quelque chose de gai, de positif, et puis en même temps poser quelques questions sur ce thème qui est quand même un thème assez universel, hein, d'où nous venons et qu'est-ce qui font que nous sommes ce que nous sommes, hein, voilà, c'est d'accord. Un petit peu ça. Et le déclic alors, c'était quoi ? Il n'y a pas eu vraiment de déclic. Il y a eu des. Pendant un moment, j'ai mis des petits morceaux d'idées sur des cahiers. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je les regroupe. Et puis que je fasse quelque chose de construit. Et donc, à ce moment-là, je me suis mis à faire un plan, à construire une histoire. Et puis, à y intégrer les réflexions que j'avais pu avoir. Voilà. D'accord. Alors, vous pouvez nous parler de Mon père, le chat et moi ? Mon père, le chat et moi, c'est l'histoire d'un on va appeler ça d'un immigré de la deuxième génération. C'est-à-dire que son père est maghrébin, sa mère est, je ne sais plus, alsacienne ou allemande, alsacienne, voilà, donc de culture germanophone ou germanique, plutôt. Franco-germanique, puisque les Alsaciens sont français avant tout, donc il a cette espèce de dualité, et puis finalement ça ne l'a pas trop gêné, jusqu'au jour où son père décède, et quand son père décède, il se passe quelque chose, et il se dit, mais j'ai jamais eu de communication avec ce type, il m'a toujours caché un petit peu d'où il venait et ce qu'il était, et est-ce que ce que je suis moi est subséquent à ce qu'il était lui. Le catalyseur de ça, c'est bien évidemment l'actualité assez dramatique de ces dernières années sur l'islamisme, etc. Et donc ça pousse le héros à se demander, est-ce que moi je viens d'une certaine façon de l'islam, mais est-ce que pour autant je peux me reconnaître dans la quête d'un islamiste, d'un djihadiste, etc. Il se pose cette question-là et par hasard, il découvre un espèce de chat qui s'impose un peu, qui rentre dans sa vie, qui s'invite comme ça. Et ce chat, il est très particulier. Ce chat, c'est un petit peu le fil rouge, c'est un petit peu l'inconscient aussi. Ce chat va lui permettre, c'est un chat magique, qui va lui permettre de faire des retours en arrière, non pas dans sa propre vie à lui, mais dans la vie de son père. Et comme ça, il se trouve un petit peu spectateur de la jeunesse de son père dans le Maghreb, de la jeunesse de son père aussi à travers ses choix identitaires. Hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu qu'il choisisse de se battre pour la France ou de ne pas se battre pour la France, etc. Mais il a choisi de se battre pour la France, hein, un peu comme dans Indigène, comme dans le film Indigène. Et donc, à travers l'ensemble de ces espèces de petits flashbacks, le héros va tenter, pas forcément de se construire, mais à tout le moins de mieux comprendre pourquoi son père l'a élevé comme il l'a élevé. C'est-à-dire pourquoi son père a contribué à façonner son identité. Alors nous allons faire une pause musicale. Vous avez choisi d'écouter Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Vous avez apprécié mon accent, je suppose. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, nous sommes toujours avec Jean-Pierre Franck. Alors, Mon père, le chat et moi est un roman qui relate l'histoire d'une famille d'origine tunisienne. Il s'agit de votre famille ? Il y a une part autobiographique ? Non. Pas du tout ? Non. D'accord. C'était juste pour savoir. Alors, au décès de son père, le narrateur prend conscience qu'il s'était éloigné de son géniteur. Vous dites, je vous cite, « Je ne m'étais jamais intéressée à sa jeunesse et il ne m'en a rien dit. Je ne m'étais jamais intéressée non plus à sa maladie et comme il était digne, il ne s'en est jamais plaint. » Bref, toute ma vie, il m'avait foutu une paix royale sans me demander quoi que ce soit en échange de son amour qu'il traduisait essentiellement par un soutien matériel à mon existence. Vous pensez que l'on ne se rend compte d'un décès d'un proche que qu'à son décès, on s'est rendu compte que l'on est passé à côté de la personne ? Et pourquoi ? Par indifférence ? Par égoïsme ? Ah oui, ça, je pense que oui, quand on perd quelqu'un, on se rend compte qu'on aurait pu faire plus, mieux, y a toujours tout un tas de questions. Alors ça, je pense que c'est un peu universel. Quand on perd quelqu'un, on se rend compte qu'on n'a jamais atteint la complétude de la communication avec la personne. Oui, oui. Oui, bien sûr. Mais c'est pourquoi ? C'est une façon de repousser les chances de la mort ? Un refus de grandir, quelque part ? Ah, c'est intéressant ce que vous dites, ça peut être ça, ça peut être aussi le fait qu'on a la tête dans le guidon et qu'on ne prête pas assez attention aux gens qui sont autour de nous. On doit toujours prêter plus attention à nos proches. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment quand les gens perdent quelqu'un, de dire « mais il était à côté de moi et puis bon voilà, j'ai pas fait, je m'en suis pas assez préoccupé, puis maintenant qu'il est plus là, là je... » J'ai plein de questions à lui poser en fait. J'ai un manque, oui, j'ai un manque. Oui, oui, oui. Puis des questions à poser en fait. Des questions à poser, des choses auxquelles que... voilà, qui... Oui, je pense que quand on a quelque chose près de soi, on n'en tient pas toujours assez compte. On va pas toujours assez au bout. Ou si on a l'impression que c'est... Bah, que c'est banal, c'est naturel. Oui, puis que ça va durer toujours. Et puis que ça va durer toujours, oui. Ah, c'est possible. Alors, le décès du père entraîne le narrateur dans un voyage à la fois réel, il part effectivement en voiture, et dans un voyage onirique à la recherche de ses origines. Il fait le voyage en compagnie d'un chat, tout droit sorti d'un conte de fées. Parlez-nous de ce chat. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, en fait ? C'est un fil rouge, mais c'est aussi une sorte, c'est peut-être aussi l'inconscient, c'est-à-dire c'est peut-être aussi notre questionnement propre, ce qui permet notre introspection. Voilà. Et puis le chat, alors pourquoi est-ce que j'ai pris un chat et pas un hamster ? Ça pourrait être un hamster aussi, mais pourquoi un chat ? Bah parce que le chat a quelque chose de magique. C'est un animal qui est assez facilement connoté. C'est un animal, je passe sur le chat beauté, mais sur les chats, le maître et Marguerite, hein, voilà. Puis le chat est un animal un petit peu, pour certains, démoniaque. Hein. Il y a toujours des chats avec les démons, les machins. C'est un animal assez miraculeux, quelque part. Donc ça me semblait coller bien à cette espèce d'aller-retour dans le réel et dans l'irréel. Alors, le grand-père Idriss, qui a vécu toute sa vie en Tunisie, avait choisi la France. Il n'était pas nationaliste. Alors, rappelons pour les auditeurs que la Tunisie est restée sous protectorat français de 1881 à 1956. Alors, il croyait, ce grand-père, dans les valeurs universelles de la France. Parlez-nous de sa conception de la cohabitation entre deux cultures, deux mondes différents. C'est justement le cœur, en fait, du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire que de choisir une identité ? Qu'est-ce que ça veut dire que de choisir une culture ? Est-ce que choisir une culture, c'est pour autant renier forcément la sienne ? Est-ce que se trouver dans une culture, on va dire déraciné, est-ce que ça oblige obligatoirement à soit renier une part de soi, soit la faire taire. C'est ça un petit peu le problème. Alors, la question d'Idriss, alors j'aime un petit peu l'histoire. C'est pour ça que j'ai un petit peu choisi ça. Effectivement, je rattache un petit peu ça à la période de la colonisation, à ce qu'il y a eu de négatif et de positif dans cette période qui était très très troublée, à la manière aussi que les gens avaient de l'appréhender à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous appréhendons cette période de la colonisation avec nos yeux du 21e siècle. Ça m'a semblé intéressant d'imaginer comment quelqu'un pouvait l'aborder à l'époque, avec les critères de l'époque. Je pense, si vous voulez, que le maître mot du XXe siècle, ça a été civilisation. Mmh. C'était le mot majeur. Ce mot, y avait les civilisés, c'est-à-dire les Blancs, occidentaux, européens, voilà. Il y avait les pas civilisés. Hein, de préférence les Noirs, hein, on va dire comme ça. Et puis, il y avait qui étaient en voie de civilisation. Voilà. À l'époque, on voyait les choses comme ça. Il y avait cette espèce de... Et il fallait tendre vers ce qu'on appelait à l'époque être civilisé. Et j'ai essayé de me mettre un petit peu dans cette ambiance-là. Il est bien clair qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On n'est plus du tout dans ce... Et justement, on voit tout ce qui a pu se passer au, niveau, au moment de la colonisation par le prisme de notre regard actuel. Je crois que c'est bien de faire un petit peu cette espèce de rétro-pédalage. Et de se dire, voilà, il y avait, tout existait à l'époque. Oui, les frères musulmans sont nés dans les années 20. Et puis, en même temps, il y avait des gens qui avaient choisi d'aller vers des valeurs universelles, les valeurs de la République, etc. Machin, parce que voilà. Tout existait, tout cohabitait. Et c'est cette chose qui était très intéressante, c'est que les gens, j'ai l'impression à travers mes lectures, que les gens n'étaient pas forcément les uns contre les autres. Alors peut-être que je vis dans le monde des bisounours et que c'était pas du tout comme ça, j'en sais rien, j'y étais pas. Mais voilà, j'ai ce sentiment-là, peut-être. Oui, oui. Alors le père Mustapha, lui, a fait le choix aussi de la France, hein, bien sûr. Il s'est installé, lui, en France métropolitaine. Mais à la différence d'Idriss, son père, plutôt que la cohabitation de deux mondes différents, il a choisi l'assimilation, lui. Alors pourquoi ce choix, à votre avis? Il pensait que ce serait plus facile? Pareil, j'ai voulu montrer quel type de réponse on peut apporter. On peut apporter, comme Idriss, porter ses valeurs et en porter d'autres en plus. C'est le grand-père. Oui. Hein, voilà. C'était une somme, lui. Voilà, hein, absolument. Il allait vers le meilleur de tout. Bon. On peut aussi, comme le père, dire « si je choisis blanc, je ne peux pas choisir noir. C'est antinomique. Donc si je dois me construire d'une certaine façon, eh bien, ça veut forcément dire qu'il faut que je renonce à quelque chose. » Et ça a été ce choix. C'est, voilà, c'est un petit peu ça. Et puis, peut-être y a-t-il d'autres choix. Oui, c'est possible. Mais pourtant, vous dites dans quelque part, je ne sais plus à quelle page, qu'un choix ne peut être que total. Oui, c'est ce que pense le père. Ouais, ouais. Pour le père, il n'y a pas de demi-mesure. Il est dans l'idée choisir, c'est renoncer. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr d'ailleurs que son choix soit complètement réfléchi. J'ai l'impression qu'il choisit quelque chose parce que son père a essayé de subsumer des valeurs et lui, il ne peut pas faire cette démarche. Donc, il choisit forcément de s'engager dans une voie à l'exclusion des autres. C'est sa manière de penser. Alors, du fait du choix de Mustapha, le narrateur n'a pas été éduqué dans la religion musulmane. Il n'a eu que peu d'histoires sur ses origines, en fait. C'est difficile de vivre sans ses racines? C'est justement ça qui est le troisième truc, c'est qu'est-ce que je suis? Est-ce que ce que je suis, ça vient de... ce qu'on a de l'environnement, ou est-ce que ce que je suis, ça vient de quelque chose de beaucoup plus vaste, de quelque chose qui est non dit? Parce que je pense que même si le père s'est appliqué à éradiquer tout ce qui pouvait être culturellement... non autochtones, on va dire, même s'il s'est appliqué à ça, est-ce qu'il a pu totalement l'éradiquer de la tête de son fils? Je crois pas. Son fils, il sait quand même d'où il vient, quelque part. Donc, est-ce que ça, au contraire, excite sa curiosité? Est-ce que ça, au contraire, va le pousser vers un choix plus radical dans l'autre sens, comme une espèce de retour de balancier? C'est très compliqué de pouvoir déterminer quels sont les facteurs qui forgent notre identité. Est-ce que c'est des facteurs éducatifs? Est-ce que c'est des facteurs environnementaux? Est-ce que c'est des facteurs historiques, notre histoire personnelle au sens large? Est-ce que c'est la somme des trois? Et dans quel poids affecte chacun de ces éléments? C'est un petit peu compliqué. Oui, c'est vrai. Alors, durant le voyage, le monde continue de tourner et l'actualité faite d'attentats islamistes a une résonance particulière pour le narrateur. Vous écrivez « J'avais bien là la vérité devant les yeux. Je descendais bien d'un peuple d'assassins bestiaux et il pouvait y avoir enfoui en moi quelque chose de cet ordre. En plus, avec mon physique, j'étais immédiatement reconnu comme sémite et il fallait s'attendre à être regardé de travers par les gens. » Ça doit être difficile d'avoir du sang à la fois arabe et juif. À la fois bourreau et victime. Absolument, ben oui, mais alors les peuples sémites, c'est au sens large, hein, donc c'est tout. Mais effectivement, ce qui me frappe dans l'actualité c'est, je vais dire, pas la détresse, mais ce regard que certaines personnes posent sur des gens qui ont des valeurs très hautes, très élevées et qui se trouvent un petit peu assimilées, amalgamées. Voilà, et ça, c'est... Oui. Alors, le grand-père, lui, Idriss, aimait la France parce qu'il pouvait faire cohabiter des chrétiens, des juifs et des musulmans. Oui. C'est plus vraiment vrai aujourd'hui. Ben si, j'espère que c'est vrai. Bah. Je voudrais que ce soit vrai. Voilà. C'est encore vrai et il faut que ça le reste. Et c'est ça qui fait notre richesse. Hein. Bien sûr. Mais en même temps, ça paraît un peu compliqué maintenant. Justement, du fait des amalgames, de la violence. Et il faut dépasser ça. Oui, il faut dépasser. C'est des choses dramatiques. C'est clair que quand on est touché soi-même là-dedans, on n'en sort pas. Au niveau de l'histoire, au niveau de l'évolution de notre nation, je crois qu'il faut absolument dépasser ça. Et je crois que dans l'ensemble, on est quand même dans un pays où on peut faire cohabiter plusieurs cultures, des cultures, des modes de vie différents. J'écoutais l'autre jour une émission sur Joséphine Baker où elle disait que quand elle est arrivée en France, en fait, elle a été très heureuse d'être en France. Elle se sentait très française. D'ailleurs, elle a eu une période assez patriote pendant la guerre, hein. Oui. Et elle était très très heureuse d'être en France parce que justement en France le fait qu'elle soit noire ne la conduisait pas à toutes sortes de désagréments qu'elle pouvait avoir dans son pays d'origine, aux États-Unis, hein, parce qu'à l'époque aux États-Unis c'était pas simple, hein, pour les Noirs. En France elle pouvait vivre normalement. Donc c'est une longue tradition qu'on a. Oui, c'est vrai. Alors par contre, vos personnages féminins, je vais pas rater ça, ne sont pas très sympathiques. Hein, que ce soit Béatrice, la pauvre petite fille riche et désœuvrée, ou la femme qui fait un esclandre dans le restaurant alsacien. Même la mère du narrateur passe comme une ombre. Alors est-ce un hasard ou un choix délibéré ? Non, c'est pas un choix délibéré. C'est que c'était pas vraiment le sujet de mon roman. Là, j'ai voulu concentrer les choses sur cette filiation, sur cet aspect, presque de filiation entre le héros, son père, son grand-père. Donc les autres personnages sont effectivement en demi-teinte derrière. Alors la femme du restaurant, bah, j'ai essayé à deux, trois endroits dans le livre de faire quelque chose d'un petit peu rigolo parce que je voulais pas... Parce que justement, je voulais pas traiter ce sujet-là. C'est un sujet grave, c'est un sujet... et je voulais pas le traiter de façon grave, je voulais le traiter de façon un peu légère, un peu amusante. Alors, le temps passe très très vite. Et parlez-nous de votre actualité, de vos projets. Vous allez écrire encore ? Ah oui, j'écris encore. Je commence à un second roman. En fait, je pensais m'orienter vers un recueil de nouvelles. Et puis, c'est très curieux, mais à mesure que j'écris une nouvelle, mes personnages prennent corps. Je les vois de plus en plus nettes. Vous voyez, au début, c'est comme s'ils étaient flous un petit peu. Voilà. Et puis alors maintenant, ils commencent à devenir de plus en plus nets, de plus en plus distincts. Et puis, j'ai une trame qui commence à se construire. Donc voilà, je suis là-dessus maintenant. Et dites-nous où on peut trouver votre livre. Alors, on peut le trouver à Nancy, à la librairie Singulière et Plurielle. Rue Lafayette. On peut le trouver sur le site de 500 éditions, qui permet des commandes en ligne. Enfin, voilà, c'est un petit éditeur suisse qui a un catalogue qui j'ai lu un ou deux romans, j'ai bien aimé. Donc voilà. Et puis bientôt, il sera référencé à la FNAC. D'accord. Alors. Est-ce que vous, ce voyage que vous avez entrepris avec le narrateur, vous a permis quelque part de vous retrouver, d'être en paix avec vous aussi ? Ah ben moi, vous savez, j'étais déjà en paix avec moi avant. Hein. Je suis ravie pour vous. J'étais déjà en paix avec moi avant, non. C'est vrai que cet aspect de l'identité m'intéresse beaucoup. À travers l'histoire, j'ai lu pas mal de choses. Alors, je suis pas du tout historien, c'est pas du tout mon truc, mais ça me plaît beaucoup de lire des livres d'histoire, et j'ai beaucoup lu sur l'histoire du XXe siècle, et notamment deux aspects de l'histoire du XXe siècle qui sont l'Union soviétique, la période stalinienne que j'ai. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté là-dessus, mais bon, c'est une période qui a de grosses interrogations pour moi. Et puis, toute cette période de la première partie du XXe siècle avec la colonisation des pays de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire de l'époque, quoi. Ah oui, d'accord. Bon, et là, le roman, ça va, ou les nouvelles vont aussi avoir ce même thème ? Ah non, non, alors là, c'est complètement différent. D'abord, ce ne sera pas un roman à la première personne. J'ai pris le parti de l'écrire à la troisième personne. Je n'ai pas écrit au passé, j'ai pris le parti de l'écrire au présent. Et là, ce sera plus sur une histoire de vie, mais alors avec bien sûr plein de rebondissements. Il y aura toujours évidemment un voyage, parce que je sais pas pourquoi, mais effectivement je trouve que c'est plus facile d'écrire quand les gens se promène. Donc il y aura un voyage, il y aura peut-être de l'espionnage. Enfin voilà, c'est sera totalement différent. Bon, j'ai hâte de lire la suite. Alors merci à Jean-Pierre Franck d'être venu nous parler de son livre Mon père, le chat et moi. Au revoir à tous et à bientôt.